J'ai fait face à des défis, en fait. Ça me stressait de faire cet enseignement-là devant mon écran. Ça me donne l'impression que je parle au mur. Et j'espère que je vais réussir à vous partager, à vous convier ce que le passage des AI8 m'a appris cette semaine. Et puis que malgré le fait de la distance et des décors différents, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que ça va vous toucher dans votre quotidien, dans ce que vous vivez. Donc, les dernières semaines, on a fait Ésaïe 5, 6 et 7. Donc, j'espère que vous avez suivi, que vous êtes à jour, parce qu'en fait, je vais revenir un petit peu dans les explications sur le chapitre 7. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a comme une transition entre le chapitre 5 et ensuite 6 et 7. Jusqu'au chapitre 5, c'est comme une sorte de préface, si on veut. Puis là, dans 6 et 7, donc là, on parle de ce qui se passe dans le monde à l'époque d'Ésaïe, des rois, des batailles, des combats, toutes sortes de défis, toutes sortes de crises, je dirais. À l'époque, c'est une crise de nation. Et puis, c'est difficile, en fait, dans ce qu'on vit présentement, avec l'isolement, le confinement du COVID-19. C'est difficile de ne pas faire de pont, en fait, avec cette réalité-là. Fait qu'évidemment, à l'époque donc du chapitre 6, 7, 8, on est dans des conflits de nations, mais il y a quand même un pont assez intéressant à faire sur la situation actuelle. Personnellement, moi, l'Ésaïe, c'est un livre que je trouve difficile à prime abord. J'ai pas l'expérience de bien maîtriser tous les contextes, toutes les différentes notions. J'ai essayé de vous simplifier la vie. Vous connaissez un petit peu le genre de présentation que je vais faire pour accompagner mes enseignements ou ce que je vous partage. Fait que j'ai mis des chronologies d'événements, j'ai mis des petites cartes histoire de visuellement représenter ça. J'espère que ça va vous aider à bien maîtriser, bien saisir ce texte-là. Puis je vous invite aussi là, t'sais, à aller le relire par après et le méditer. Fait que pour débuter, en fait, c'est intéressant parce que Ésaïe est vraiment beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Fait qu'il y a comme toute une richesse à faire, à transposer entre l'époque d'Ésaïe, l'époque de Jésus, notre époque aujourd'hui. Et donc, j'ai cherché un passage dans le Nouveau Testament pour faire une introduction ou commencer, si on veut, à explorer ce texte-là. Et puis, j'ai cherché. Puis finalement, intéressant, où on dit l'esprit dirigeant. En Église Maison, on est dans Luc. Et puis, on venait de lire le passage dans Luc 8 sur... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là, mais c'est Jésus qui ressuscite la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue. Puis en fait, c'est parfait. C'est parfait pour mettre le ton. Puis ça va, d'ailleurs, merci Gilles pour le psaume 91, parce que ça va exactement dans le même esprit. Mais je vous propose en fait de ne pas le lire dans Luc. Je vous propose de le lire dans Marc. C'est le même passage, mais on va le lire dans Marc 5. Fait que je vous laisse ouvrir vos Bibles. Moi, j'ai la mienne ici, hein, n'est-ce pas? Fait que je vous laisse ouvrir vos Bibles, Marc 5. Marc 5, je vais vous mettre la référence aussi. Puis, bon, j'avoue, là, j'ai aussi mis le texte, OK? Mais je vous invite quand même à ouvrir vos Bibles. Et donc, attendez, là, je vais essayer de déplacer ça un peu ici. Ouais, c'est bon. Parfait. Fait que, donc, dans Marc 5, 35, je ne sais pas, Omar, je pense que tu fais une vigie de voir si les gens ont de l'air prêts, hein, je pense. Oui. Attends, dans quelques secondes. Le monde tourne de page. C'est bon. Ah, je te dirais d'y aller là. Je vous promets, là, je vais vous épargner de tourner. Je vais mentionner plusieurs passages, c'est vraiment un texte qui est riche, où on peut faire plein de ponts avec des références, mais je vais vous épargner de tourner une dizaine de fois. fait qu'après, j'aurai les textes, mais commençons par aller voir par nous-mêmes. Fait que ça a de l'air bon, Omar? Oui, oui. Parfait. Fait que dans Marc 5, 35, ça dit comme suit, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ici, par introduction, ce sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est que présentement, on est dans une période qui est difficile. Plusieurs vivent de la solitude, des difficultés avec le manque de contact humain. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui est dans une résidence pour personnes âgées. Je peux vous dire que pour ces gens-là, ils sont dans la peur. C'est pas facile. Peur que eux attrapent le coronavirus, potentiellement en meurent, que des proches aussi, même chose. Donc, beaucoup sont déstabilisés dans cette situation-là, déstabilisés dans leur routine. Et ici, je voulais faire le pont. Jaïrus, le chef de la synagogue, donc c'est quand même quelqu'un de réputé, d'important, et sa fille est morte. C'est assez, assez clair. Pas malade, elle est morte. Donc, c'est la catastrophe. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et je voulais faire l'introduction avec ça parce que dans cette période difficile qu'on vit, en fait, je suis profondément convaincu que le texte d'Ésaïe 8 nous dit essentiellement la même chose. On va le décortiquer en plus de, plus de mots, mais essentiellement, pour moi, ça revient à ne craignez pas ou ne craignons pas, croyons seulement. Fait que le livre d'Ésaïe permet de faire, puis je suis pas le premier à le dire, on en a parlé dans les chapitres précédents, mais c'est important de le redire. À l'époque de la conquête assyrienne, la déportation, Ésaïe permet de comprendre le contexte de cette époque-là, mais permet aussi de faire beaucoup de ponts avec la période où Jésus est arrivé, où Jésus a mené à bien son ministère, a accompli son ministère. D'ailleurs, Ésaïe est cité plusieurs fois, je me répète, mais c'est important, il est cité vraiment plusieurs fois dans le Nouveau Testament par Jésus, par certains de ses disciples, ses apôtres. Il y a un pont vraiment clair à faire, mais aussi avec beaucoup de prophéties qui s'appliquent au temps futur qui sont peut-être le temps d'aujourd'hui, peut-être pas, on en parlera tout à l'heure. Là, le point étant, c'est pertinent dans le contexte qu'on vit présentement. Fait que parlons de chronologie des événements un petit peu, puis je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais je veux juste mettre en contexte. Là, c'est un peu difficile à saisir des fois, là, OK, mais on est où là, historiquement? En fait, en moins 931, le royaume, ce qu'on connaît un peu plus, là, c'est historiquement plus connu par tout le monde. Le royaume, donc le roi David, le roi Salomon, est divisé en deux. Est divisé en deux. Donc essentiellement, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et puis on va voir que ces royaumes-là persistent dans l'époque qu'on va regarder. Donc on avance, on voit la flèche bleue en haut là. On avance approximativement 200 ans plus tard. Après la fin du règne de Salomon, la division des royaumes, on est à l'époque environ là, 735 avant Jésus-Christ. Donc environ 200 ans plus tard. Fait que ça nous permet de nous situer. Fait que je vous propose de tout de suite rentrer dans le texte, mais juste histoire de bien nous positionner. La question que j'avais comme envie de vous poser ou de regarder ensemble, c'est est-ce que les catastrophes de notre époque, donc un virus planétaire, l'effondrement de l'économie, tout ce qui en découle, les entreprises, les gens, etc., tous les impacts, est-ce que ça vous afflige présentement au point de mal disposer votre cœur à saisir ce que Dieu nous dit? Question à méditer et question que ce matin, je vous propose d'explorer avec le texte d'Ésaïe 8 pour voir en fait trois attitudes de cœur pour disposer notre cœur à saisir ce que Dieu dit. Ces attitudes-là, je les ai perçues dans le texte et je veux vous les partager. Fait que maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte historique, et ce contexte historique-là, il est positionné par rapport aux rois essentiellement qui sont mentionnés dans le texte. Donc, allons voir le texte. Fait que là, je vous invite, et après là, on ne tournera plus plein de fois, mais je vous invite à aller voir, puis là, à rester dans Ésaïe 8. Je vais vous afficher à l'écran, mais parce qu'il y a des choses, en fait, que je veux souligner dans le texte. Il y a des choses que je veux regarder avec vous plus particulièrement dans le texte. Mais je vous invite quand même à ouvrir vos Bibles et à aller voir dans Ésaïe 8. Qu'on va lire ensemble. Est-ce qu'on a de l'air prêt, Omar, sur ton écran multiple? Juste un instant. Je dirais que oui, là. OK, parfait. Donc, j'ai la version Louis II pour ceux qui veulent suivre vraiment dans la même version que moi. Et ça dit comme suit. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mère Shalal Shash Baz. Pardonnez-moi si je le prononce mal. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc, c'est quelques petites notes que j'ai soulignées, puis je vais commenter le texte comme ça au fil, si vous me permettez. Ça va nous permettre de camper certaines choses plus tard. Fait que Maher Shalal Shashbaz, que je prononce peut-être mal, dit ici signifie, là, je l'ai souligné en jaune à l'écran, ça signifie précisément qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Donc, il y a vraiment un lien très fort, c'est un nom qui veut dire ça. La femme d'Ésaïe ici qui est soulignée en bleu, là, la prophétesse, en fait, elle est appelée prophétesse ici parce que le fils qu'elle va avoir, donc le fils d'Élie et de sa femme, annonce l'invasion et la conquête assyrienne. Donc, une notion de prophétie dans le fait de mettre au monde son fils. Ensuite, en vert ici, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, donc, si on se situe, ça veut dire que la conquête dont on parle ici, là, de la Syrie qui va conquérir Damas et Samarie, on parle de quelque chose 1 ou 2 ans, là, avant que l'enfant sache parler. Si vous êtes comme moi, ici on parle d'Assyrie, Damas, Samarie, moi je suis un peu mélangé. Puis j'ai fait un mandat une fois pour un vice-président marketing qui me disait, nous en marketing, on aime ça les bonhommes. Fait que je vous ai fait des bonhommes. Histoire de bien se situer pour les gens visuels. Alors, ici, on a le royaume, c'est légèrement avant. Si je me rappelle bien, c'est en 721, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Fait qu'on est un petit peu avant. On voit en bas le royaume de Juda, Kingdom of Judah, et Jérusalem, avec le roi Akaz, qui était mentionné dans Ésaïe 7, qui n'est pas rementionné dans Ésaïe 8, mais on est dans le même contexte. On a Pekach, je ne sais pas, fils de Remalia, qui est le roi de Samarie, le Kingdom of Israel, qu'on voit en haut en bleu, ou au centre en fait plutôt. On a Retsin, qui est le roi de Damascus, qu'on voit, Kingdom of Aram Damascus. Et on a plus haut, et son nom n'est pas mentionné, mais Tiglath-Pileser, qu'on voyait tout à l'heure dans la chronologie, mais grâce aux recherches de Christian, qui nous a donné des beaux documents pour préparer tout ça, et le roi du royaume de l'Empire assyrien, de l'Assyrie. Et donc, on est dans un contexte où Akaz, Jérusalem, le royaume de Juda, est aux prises avec... un siège, une attaque du royaume d'Israël et du royaume de Damas. Et puis, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ben non, en fait, inquiétez-vous pas de ça. Donc, Élie va voir Akaz et lui dit, ne vous inquiétez pas de ça. Mais en fait, la prophétie dit que l'Empire d'Assyrie va conquérir tout ça. Fait que bref, je voulais juste faire une petite pause, mais c'est important quand même de se situer visuellement. En tout cas, moi, j'en avais besoin pour bien comprendre, parce que là, ici, on parle de roi et tout. Fait que on continue. Je vous ramène dans le Ésaïe chapitre 8. On est rendu à 5. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve de roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Pousse des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Une deuxième fois. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Donc ici, quelques petites notes que j'ai soulignées. Mépriser les eaux de Siloé, ce sont des eaux qui sont sanctifiées par Dieu. C'est mentionné aussi par Jésus quand il demande à l'aveugle d'aller s'y laver. Donc on est, on va pas aller le voir, là, mais je vous le mentionne ici. Donc c'est dans Jean 9, 7 et dans Luc 13, 14. Siloé, en fait, est un ruisseau qui approvisionnait en eau Jérusalem. Et puis, Siloé représente aussi le symbole que Jérusalem dépend de l'Éternel et de sa protection pour subsister. Donc ici, ce que Élie dit, c'est que le peuple a méprisé les eaux de Siloé. En bleu ici, on parle de se réjouir, donc que Rétine et Damas, ne vont pas vaincre le royaume de Juda. En fait, ils vont être vaincus plutôt par la Syrie. Et en vert, ici, là, il se répandra sur toute Syrie. On parle du roi d'Assyrie qui va les conquérir. Donc ça, c'est le contexte. Quelques petites notes ici. Je propose de continuer. Donc en 11... Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Donc ici, il y a des morceaux très, très, très importants. Vous allez voir, en fait, l'essence de ce que je vais vous communiquer ou partager ou explorer avec vous. C'est vraiment dans cette portion-là ou la portion-là de Ésaïe 8. Donc, la voix de ce peuple ici, c'est se soucier du monde, mais dédaigner Dieu. C'est ça ici qu'on parle de marcher dans la voie de ce peuple. Okay? On fait référence au verset 6 où ça dit que les eaux de Siloé, le peuple a méprisé les eaux de Siloé, mais s'est réjoui du fait qu'il n'allait pas être conquis par le monde, par Damas et par les deux rois, Damas et Samarie. Ici, en bleu, plusieurs de Juda trébucheront, tomberont et se briseront, connaissant la fin de l'histoire. Et puis, on va regarder ça tantôt, là, mais connaissant la fin de l'histoire, ben effectivement, non seulement leurs ennemis vont être envahis, mais eux aussi vont être envahis par les mêmes Assyriens qui vont vaincre Retsin et le fils de Remalia. Fait que connaissant la fin, ben effectivement, Juda va aussi trébucher. Et donc, juste se mettre un petit peu dans l'esprit, là, Ésaïe annonce ça, on peut s'imaginer que ça fait pas plaisir. Que Ésaïe, ici, est en train de dire des vérités qui sont très dures, qui choquent. Et la fin du texte. Je poursuit en 18. « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Donc ici, quand on lit « sombres angoisses », quand on lit « les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses », moi, pour moi, ça interpellait beaucoup la période actuelle. Ici, j'ai souligné le jaune. Donc, moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés, donc ça fait référence à Ésaïe et ses deux fils. Le en bleu ici, donc on dit utiliser les services de ceux qui évoquent les morts, bien, c'est considéré comme un péché, en fait, selon la loi. Donc, Ésaïe, ici, là, au verset 20, pointe vers la loi, puis la vraie source prophétique étant Dieu. Peut-être dernier point ici en vert, donc la gloire pour la contrée voisine, là, ici dans le Nouveau Testament, cette prophétie-là est appliquée aussi à la première venue de Christ, là, au ministère de Christ, si je fais référence à Matthieu 4, 12. Fait que j'espère que le fait d'avoir brisé le texte en morceaux, ça l'a aidé et non nui. Des fois, on lit d'un coup, là, j'ai choisi de le briser parce que c'est quand même 23 versets denses, intenses. Fait que si je reviens à ce que je vous ai proposé de voir ce matin, en fait, nos trois attitudes. La première attitude pour moi, qui est clairement dite mot pour mot au verset 11, donc encore là, première attitude pour disposer notre cœur à comprendre, à saisir, à entendre ce que dit Dieu, ne pas marcher dans les voies de ce peuple. Okay? Ici, ça dit, bon, ainsi m'a parlé l'Éternel, verset 11, quand sa main me saisit, qu'il m'avertit de ne pas marcher dans les voies de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Dans une autre version, conjuration ici, ça pourrait aussi être, je l'ai noté ici, là, conspiration ou. Bref. C'est quoi la voix de ce peuple? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, mais je le rementionne. Si vous voulez aller voir, c'est dans verset 6 ici qu'on parle de le peuple qui a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétsin et du fils de Remalia. Moi, ça fait clairement le pont avec ce qu'on vit présentement avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a un risque, il y a un piège, si je peux dire comme ça, de chercher à passer du temps, de l'énergie, des efforts, du bandwidth, comme on dit, à chercher la vérité dans ce que les gens disent, OK? Dans toutes les nouvelles, les médias, les annonces, la contre-annonce, ce que l'autre dit, l'article partiel, l'article complet. Et c'est facile de faire fausse route. En s'inondant de tout ça. Okay? C'est vraiment un tsunami d'informations. Puis là, je ne suis pas en train de chercher à démontrer que quelqu'un a tort dans l'histoire. C'est pas ça mon point. Okay? Mon point, c'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je ne veux même pas aller là. Mon point, c'est que s'inonder de tout ça volontairement ou ne pas résister à ça, en fait, c'est se déconcentrer de l'essentiel selon ce que je lis dans le texte d'Ésaïe. Donc, c'est pour être clair, là, je ne suis pas en train d'inciter à la rébellion contre les mesures du gouvernement. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Mais plutôt, il y avait les nouvelles là, comme quoi des gens sont sortis dans la rue contre le confinement en Ontario. Ce n'est pas ça que je dis là, OK? Mais de chercher derrière tout ce voile de tsunami d'informations, là, de chercher la vraie source de sagesse et d'intelligence, okay, qui n'est autre que Dieu, qui n'est autre que notre Père, qui nous parle avec son esprit. Okay. Et que s'inonder de toutes ces informations-là, ben, ça ne mène pas à bon escient, ça ne mène pas à la bonne place. Et pour appuyer mon propos, je vous donne quelques exemples, juste pour le plaisir. Okay? Savez-vous, je vous pose la question, mais c'est rhétorique parce que je vais y répondre. savez-vous le nombre d'articles sur le COVID-19? Si on Google COVID-19, donc si on recherche sur Google COVID-19 dans les annonces, dans les articles, là, les nouvelles, voilà, c'est 2,9 milliards de résultats. En moins d'une semaine, c'est 249 millions de nouvelles. En moins de 24 heures, c'est 27,2 millions de nouvelles. En moins d'une heure, attention, c'est 1,9 millions de nouvelles. Ça veut dire que, supposant qu'une nouvelle, c'est un paragraphe, puis on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles partielles, puis ils mettent à jour leurs nouvelles, puis bien, que supposons un paragraphe, ça veut dire qu'il faudrait lire 527 paragraphes à la seconde. Je vous laisse réfléchir à la chose. C'est comme impossible, mais le point au-delà du impossible, c'est que c'est futile. Je suis pas en train de dire de ne pas s'informer, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence, si je vous cite Job, OK? Et que conjuration, information, conspiration, les voix de ce peuple, OK, ne sont pas de l'intelligence, de la sagesse, OK? Et puis là, ben, tu sais, je vous ai nommé le nombre d'articles, etc., mais ça va, là, je ne sais pas si vous avez commencé à voir ça, mais là, en plus, il y a des interprétations de ce que les médias disent, puis là, on va essayer de comprendre derrière ça, puis là, il y a une conspiration des médias, puis la théorie des complots, puis l'interprétation de monsieur, madame, tout le monde, puis c'est facile de se noyer là-dedans. Mais je reviens à mon point fondamental ici, OK? La source de l'information, de la sagesse, de l'intelligence. Derrière tout ça, il y a un plan, OK? Et c'est notre Père, c'est Dieu, OK, qui est cette source. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on lit sa parole? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on médite sa parole? Est-ce qu'on cherche? Bref, l'attitude de cœur pour se disposer, c'est de ne pas marcher dans les voies de ce peuple, de ne pas se laisser y submerger par toutes ces informations-là, mais vraiment chercher Dieu dans sa parole puis dans notre cœur. Et ça, c'est la première attitude. Deuxième attitude pour disposer notre cœur, et encore là, c'est clairement mot pour mot dans le texte, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. On continue à parler ici du peuple. Donc, je vous rappelle, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la Syrie, on le voit ici dans cette carte-là, puis c'est pour ceux qui étaient là la semaine passée, Mathieu a aussi montré cette carte-là, mais la Syrie va finir par conquérir tout le monde. On le voit là, Damas, on le voit ici sur la carte, Samarie, on voit donc tout le monde va être conquis par la Syrie. Fait que c'est la catastrophe, okay? C'est la conquête ennemie. Mais ici, et Isaïe dit « Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. » Je remonte un petit peu en Isaïe 7, 2, okay, ça dit « Et le cœur d'Akaz, donc le roi de Juda, et le cœur de son peuple, okay, furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Donc, ils ont vraiment peur. Okay, ils en tremblent. C'est des temps troubles pour les enfants de Dieu, cette époque-là. L'occasion de peur et de doute qui fait trébucher. Moi, ça me faisait penser un peu à Pierre qui marche sur les eaux, donc dans Matthieu 14, qui va à la rencontre de Jésus, qui marche sur les eaux. Et du moment où il détourne son regard, où il se laisse aller à la peur, en fait, il se met à caler. Je trouve ça parlant comme image parce que du moment où il se laisse aller à la peur, il détourne son regard, il se met à caler. Tu sais qu'on dit au Québec, hein? « Hey, tu te cales! » Il se met à caler. Je trouve ça très imagé. Bref, je sais pas, Tatiana, Jean-Claude a partagé un livre, « Le coronavirus et Christ » de John Piper. Je sais pas si vous avez commencé à le lire. Moi, personnellement, je l'ai lu cette semaine. C'est un très beau livre. C'est short and sweet, comme on dit. C'est très. Ça va directement au point, en fait. Et c'est vraiment bien. C'est à propos, c'est pertinent, c'est crédible. J'ai beaucoup aimé. Et dans ce livre-là, ça dit le Dieu qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas, et celui-même qui soutient l'âme au sein de la pandémie. Donc, c'est intéressant parce que ça met l'emphase sur le fait de dire ça fait partie du plan. Ayez pas peur, craignez pas, ça fait partie du plan. Ce qui est exactement ce que Ésaïe dit au peuple. T'sais, on s'entend, c'est des conquêtes, là, OK? Fait que c'est sanglant, il y a des armées, bon, il y a des conquêtes. Mais ici, Ésaïe dit ayez pas peur. OK? Fait que dans ce type de situation-là, nous, on pourrait dire, ben, tu sais, on n'a pas peur parce que Jésus revient. Hein? On n'a pas peur parce qu'on a l'espoir que Jésus revient. Par contre, on ne sait pas quand. On ne sait pas exactement. Hein? Dans Matthieu 24, 36, 37, ça dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Fait que notre rôle, en attendant, ne sachant pas, mais sachant que Dieu a un plan, okay, ben c'est essentiellement de ne pas avoir peur. Okay? Ici, notre rôle, c'est l'attitude de cœur, c'est garder en notre cœur, de nous confier en Dieu. Comme ça dit dans Pierre 1 Pierre 3 ici que je vous... affiches à l'écran. Puis d'ailleurs, dans 1 Pierre 3, ça cite Ésaïe 8, 12, mais dans la version second 21. Okay? Donc, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est une citation de Ésaïe 8, 12 qui est notre texte aujourd'hui. Je vous lis 1 Pierre 3, 13 en fait. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc encore là, il y a vraiment les deux éléments. Okay? N'ayez pas peur, sanctifiez Christ le Seigneur. Mettez-le sur un piédestal, le plus haut devant vous, le plus important, la source, c'est lui. Donc c'est ce que Ésaïe nous dit, c'est pas ce que moi je dis, hein? C'est ce que Ésaïe dit. En résumé, okay, donc ce que je vous dis ici là, pour la deuxième attitude, c'est cultiver, okay, de ne pas nous troubler, de ne pas nous effrayer. Dieu est au contrôle. Rien ne sert de s'inquiéter. La troisième attitude, et puis là c'est moins comme directement dans le texte, si je peux le dire ainsi. C'est des morceaux de texte. Okay? Donc, dans Ésaïe 8, 14, donc juste un petit peu après le 11 et le 12 sur lesquels je viens de mettre l'emphase, dans 8, 14, ça dit « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Donc, comment éviter la pierre d'achoppement? Ça dit « Il va être un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. » Comment éviter? En fait, Ésaïe 8, 17 nous donne la réponse. « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. » Puis là, ben, on se pose la question, espérer malgré la catastrophe, vraiment? Est-ce que je suis capable de mettre de côté la catastrophe? En fait, oui, absolument, parce que dans 8, 23, ça dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » On le sait. On le sait, c'est dit, c'est écrit. Il y a nombre de psaumes qui nous parlent directement en nous disant quel est notre espoir, en nous disant où on s'en va avec tout ça. Dieu nous dit qu'il a un plan et nous le démontre dans notre cœur. Il s'agit juste de lui faire confiance, juste de lui donner notre amour, juste de lui donner notre attention. Et c'est la pierre d'achoppement, on ne peut pas passer outre parce que c'est la notion de pierre d'achoppement, c'est cité plusieurs fois dans la parole, dont dans 1 Pierre 2, 7, qui dit « Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pardon, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » À son admirable lumière, c'est ça l'espoir. Okay? Puis Jésus lui-même en parle de cette pierre d'achoppement-là dans Matthieu 21. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Ici, il parle aux Juifs. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Ça, c'est intéressant, hein, parce qu'ici, on parle de se briser, s'écraser. Est-ce que vraiment c'est aussi tranchant que ça? Ben, en fait, moi, en lisant ce passage-là, la pierre d'achoppement, ce que je comprends que Dieu dit, dans ce contexte-là, Dieu le dit à Ésaïe, mais Ésaïe le dit à nous à travers ses Écritures, mais aussi au peuple de cette époque-là. Moi, je lis que c'est noir ou blanc. Je lis que c'est tranchant, tout à fait tranchant, en fait. Ce qui m'amène, en fait, à vous partager un peu une image, c'est que en prenant ça, en regardant ça, on se dit, ouais, mais c'est vraiment, tu sais, noir ou blanc. C'est soit, tu sais, je m'appuie sur cette pierre-là, OK, ou sur ce sanctuaire-là, mais cette pierre-là, où elle m'écrase. OK? Mais en fait, je vous invite à penser un petit peu à la situation actuelle. C'est difficile, je ne vous vois pas, là, mais tu sais, imaginons que on est sous pression présentement dans la situation actuelle. OK? Je ne sais pas, moi, une situation difficile. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que notre vie de famille avec la routine déstabilisée, notre vie professionnelle qui est maintenant à distance ou inexistante. Est-ce que si on se sent en pression dans tout ça, là, si on se sent un peu comme dans une prison, on se sent pris là-dedans, est-ce que notre attitude de cœur est vraiment dans les douces nuances de gris, tranquille, mi-figue, mi-raisin, on est partiellement découragé? En fait, notre attitude de cœur, elle, est tranchante. C'est la compréhension que j'ai de ce texte-là. Et donc, parce que notre attitude de cœur est tranchante, ben le jugement ou le résultat qui vient par la suite est lui-même tranchant. Et donc, où on place notre cœur dans cette crise, okay, soit sur ce rocher, donc appuyé ou placer notre cœur sur le rocher qui est Christ, okay, qu'on voit à droite ici, ou à être écrasé est comme inévitable. Fait que la question, c'est où on place notre cœur, si on revient à ça. Okay. Puis si vous êtes pas à l'aise encore avec cette notion-là que c'est tranchant, ben, je vous invite à lire Matthieu 12, 30. Okay. Où Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, il y a cette notion-là, vraiment très noir ou blanc. Fait que sur cette base-là, okay, même en période de crise, l'attitude de cœur à avoir, c'est d'espérer en Christ. Ah oui, c'est ça, ici, je pensais à la chanson chanson pour les enfants, mais nous sommes tous enfants de notre Père. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Fait que ici, c'est de ça dont on parle. Et je vous lis l'autre portion de 1 Pierre 2. Tout à l'heure, j'en ai lu un bout, mais là, je lis un autre bout. Approchez-vous de lui. Donc, 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Fait que je conclue là-dessus. On a parlé de trois attitudes de cœur, mais je conclue en fait en revenant au texte. Ici, Ésaïe 8, 16 dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Et aussi, on pourrait lire ici « Scelle cette révélation parmi mes enfants. » Cette attitude de cœur-là, puis on le vit, tu sais, je veux dire, malgré la crise, malgré le fait qu'on est déconnecté ou un peu chacun chez soi, dissocié, bien, on reste liés les uns aux autres. Puis cette semaine, en préparant l'enseignement, bien, j'avais des frères qui savaient qu'on était rendu à Ésaïe 8 puis que j'allais préparer quelque chose là-dessus qui m'écrivaient des findings, donc qui m'écrivaient des choses qui les avaient touchées, qui les avaient marquées, puis exceptionnel, hein, mais les mêmes choses m'avaient marqué à peu près en même temps, et pourtant, on ne s'était pas parlé. Fait que l'Esprit dirige les enfants de Dieu. Okay? En tant qu'enfant de Dieu, ici, ce que le texte m'a mis à cœur de vous partager, c'est que, je répète les trois attitudes, là, ne pas marcher dans les voies de ce peuple, okay, qui exclut Dieu de ce qui se passe. Dieu est au contrôle. Donc, ne pas avoir peur, la deuxième attitude. Et mettre tout son cœur dans Christ. Espérer en Christ, qui nous a promis une fin heureuse et merveilleuse. Et comme le dit Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le COVID-19? Fait que sur cette base, ce que je vous invite à faire cette semaine, je nous invite à le faire, hein, parce que je l'applique à moi-même. Le texte d'Ésaïe 8 m'a vraiment parlé beaucoup cette semaine, puis c'est à tous les jours qu'il faut l'appliquer moi-même. Si on n'a pas tout donné à Christ, c'est maintenant le temps. Il y a des choses qui restent, des choses qu'on n'a pas voulu lui donner, qu'on a gardées au revers de nous-mêmes. C'est là le temps. Okay? C'est maintenant. C'est maintenant le temps de se confier chaque jour à Christ, de lire, de méditer sa parole. Les notes, les passages que j'ai cités ici, ces notes-là vont être accessibles à tout le monde, vont être partagées à tout le monde. Je vous invite à prendre le temps, à s'investir en Christ. Si on fait quelque chose cette semaine, peu importe quoi, là, faire le ménage de l'atelier, c'est mon plan pour cette semaine, vous l'aurez compris. le confier à Christ. Okay? Du temps en famille, de marcher. C'est facile présentement dans un confinement que les relations se gâchent, hein? Des choses banales qui peuvent devenir lourdes, pesantes, stressantes. Ben, si on fait quelque chose, confions-le à Christ. Et puis ensuite de ça, ben, je vous invite à lire sa parole, lire le livre de John Piper. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vraiment une belle lecture. Puis si vous n'allez pas bien, hein, si ça ne va pas, là, le stress monte, vous vous sentez en prison, vous vous sentez oppressé, ben l'Esprit dirige. On a un Père merveilleux qui nous a donné un cadeau extraordinaire. Alors, parlons-nous, contactons-nous, contactez un frère, une sœur, restez pas seul dans cette prison-là, parce que vous n'êtes pas seul. Et puis, exhortez-vous les uns les autres. C'est tout. Merci tout le monde.